Alors, on lui bouffait comme un porc. Ah, vas-y, parle maintenant, tu veux manger, parle. Bah, bon, on va reprendre le débat. Ça t'écrase. On parle pas la bouche pleine, finis pas. Ta galette. Allez. Il est en train de partout, hein. Bah alors. Ça y est. Ça y est. Bon, vas-y, attaque. Troisième question. Non, un troisième. Eh, juste avant la question. Les cadres, je vais les envoyer à Gérard pour Noël, en retard. C'est le keeper. Voilà. Merde. Non, on n'est pas là pour ça, vous êtes dégueulasse. Bon, allez, on fait péter la troisième question. Ouais, on fait péter. donc, on va. Je pense qu'on va accueillir. les gens qui rentrent, c'est bon. On va accueillir David. David. David. Tout à l'heure, moi. Ah, la pupille. Ben, mon canard, bonne année. Bon. Ouais, alors on y va. Pourquoi tu ne mets pas de couleur? Ouais, parle devant le micro, Gérard. Bien sûr que si, les femmes mettent des couleurs. J'ai pas compris la question. Je veux là parce que. Répète ta question. C'est une question de lessive. Non, mais attends, je répète. Pourquoi les femmes ne mettent pas de couleur? Voilà. Mettre de la lessive pour que le noir y parte. Hein. Oui, le principe que le noir il part pas, c'est que le rouge qui part ou le blanc. Hein. Ouais, tu as raison. Si la nana elle a ses règles, tu vas avoir le rouge qui va partir. S'il y a des morpions blancs, tout ça, ça va partir. Hein. C'est vrai, t'as raison, vraiment. Ouais. T'es à fond sur la déconne, mon chéri. Bon, chacun votre tour, on y va. Arnette, pour toi. Ouais, elles n'ont pas de couleur, c'est qu'elles sont pas guettes, je sais pas. C'est Kimberly, là. Qui parle bien la France, qui parle bien. Répondre. Oui. Kenya. Oui, Kenya. À mon avis aussi, c'est... Non, mais attendez, j'ai jamais vu une nana en été en noir. Mais oui, c'est pour ça. Si, en maillot de bain en noir, je veux bien. Ça, j'apprécie les dessous noirs en maillot de bain, si c'est bien porté. L'hiver en noir, merci. Hein. Jamais une nana en noir l'été, pour moi. Oui, Hugolin. Hugolin. Hugolin. Oui. Ouais, alors moi je suis noir et le blanc. Noir et blanc. Ça se marie très bien, noir et blanc. Voilà. Ah ben c'est bon. Non mais c'est pas toi que tu parlais, Gérard. Non, parce que sinon j'ai pas les réponses des gens. Hugolin, toi c'est noir et blanc. Voilà. D'accord. Bref. Je pense qu'ils sont pour le coup. C'est quoi ta question, Gérard? D'ailleurs, les premières télé sont noir et blanc aussi. Hein. Oui. Tu peux dire quelque chose? Bon, tu sais qui est. C'est Morticia. Hein, Morticia. Ouais, par rapport au. Pourquoi elles mettent que du noir? Bah pourquoi pourquoi mettre pas de couleur? Ouais, pourquoi qu'elle mette pas de couleur, c'est tout? Bah moi je mets de temps en temps de couleur, mais le noir en fait, il y en a certaines qui se sentent vachement à l'aise dans le noir et puis Ouais, d'accord. En fait, non mais c'est bon, là les deux gorilles là vous allez vous calmer. Il y a Yannick aussi. Non, il y a pas Yannick encore hein. Non, on n'a rien fait, continue le débat, on fait rien nous Gérard. Non mais pour l'instant parce que j'entends des voix dans mon casque. Jeune d'art. Bon Nicolas. Morticia, Luigi. Oui, moi je crois que tu as raison. Hein. Ouais, j'ai raison sur quoi? Bah, surtout. J'ai raison, ok, c'est bon. Est-ce que tu as reçu mon cadeau? Je t'ai envoyé un cadeau pour Noël. Qui? Moi, je t'ai envoyé un carnet de timbre, une carte de téléphone et puis un carnet de ticket de métro. Est-ce que tu as reçu? J'ai rien reçu encore. À la ok, mais tu vas bientôt recevoir, c'est mon cadeau. Ah, c'est ton cadeau? Bon, ok. Parle dans le micro, c'est plaisir. Bon Gérard, au lieu de faire le singe, tu m'aides là. Bon, au lieu de faire le singe, vous arrêtez de me prendre la tête pour faire des bêtises. Bon, vous voulez peut-être que je vous réponde moi sur... Ah oui, bien sûr. Oui, on attend ça. Ah bah, c'est bon, ça y est, les nanas, vous attendez que mes réponses, hein, c'est ça? Mon opinion. On s'en bon. Attends, toi, 6 mois là-bas, et c'est bon, j'ai pas vu un Ray McCutie encore. Hein. Tu vas nous attendre combien de fois t'es là, Gérard? Personne n'a t'a demandé de le sucer. T'entendais quoi, Gérard? Vous avez entendu? Non, mais on va demander quand même à Julie. On va quand même demander à la petite Caille au standard. Et Florent, qu'est-ce qu'il en passe? Non, bah lui, Florent, lui, c'est 6 mois. C'est bon, Florent, il est parti. Vas-y, Flo. Bah, Julie. Bon, merci, Julie. Ma réponse sûre. Si je veux bien que tu me suces, je suis d'accord. Vous vous calmez, vous êtes méchant là. Non mais vous avez pas autre chose que sans arrêt me dire suce-moi. Mais tu me demandes en train. Mais qu'est-ce que je veux te sucer toi? Déjà pas, toi je te veux pas. Est-ce que les femmes aiment les préservatifs noirs? Dans ces cas-là, je vais dire une chose, c'est pas le sujet du débat. Oui, ah bah si, c'est... Il y a du noir, il y a du noir. Le préservatif est un vêtement noir. Ouais, c'est un vêtement noir. Mais là, on parle des filles. Ah non, mais parlons des mecs un peu. Entièrement très d'accord avec lui. Bon, alors... Alors maintenant, comme il n'y a pas beaucoup de nanas, j'ai pas beaucoup trop de nanas. Toi, tu il y a Luigi qui a une, qui est très pertinent sur Minitel, qui dit qu'avec les dessous noirs, l'avantage c'est qu'on voit pas les traces de pneus. Ouais ouais. Voilà, ouais, oui. Qu'est-ce que ça fait ça t'arrange, Gérard. Non mais qu'est-ce que ça fait quand on écrase un chinois? Attends, il y a pas de rapport avec le débat, Gérard, continue. Non, on s'en fait, fout. Ça fait une ligne jaune quoi. Ouais, ça fait une ligne jaune, mais attends toi. C'est vrai qu'avec un caleçon noir, tu peux le garder pendant un mois, alors qu'avec un caleçon blanc, tu dois le changer. Alors, Gérard, il a fait des bonnes résolutions, c'est devenir comique maintenant. Ouais, bon, allez, c'est bon. Alors, de toute façon, il finit avec des histoires drôles aujourd'hui, Gérard. Hein. Non, on va finir sur le débat de la séduction, et j'aurais bien voulu que... En fait, il y a Philippe Bouvard qui m'a appelé pour que tu fasses les grosses têtes. Non, mais c'est bon, ça, c'est des conneries, j'aime pas ça. Gérard, okay. Quelqu'un arrête avec ton téléphone, là. Gérard, en fait, je pense que les couleurs varient suivant les pays. Parce que moi, je l'ai déjà vu aux... Bon. Gérard, est-ce que c'est vrai que tu vas faire de la figuration à Paris-Dakar? Là, la question, j'y répondrai pas. Mais pourquoi, Yot? Il paraît qu'on était tout le bord de la piste. Bon, c'est bon, vous n'avez pas commencé. D'accord, ou sinon, on va terminer à 2h20. Vous ça va aller plus vite. Ah, mais... Là, vous arrêtez vos conneries, ou sinon, j'arrête le débat et question je Question suivante. Ok, très bien. Question suivante. Monsieur Gérard de Suresnes. Et les mecs noirs, on n'en parle pas, les mecs noirs? Oui. Non, mais attendez, ça c'est pour les nanas. Oui. Alors maintenant, les nanas, est-ce qu'un homme noir, vous l'aimez? Pas que c'est noir. Cassandra. Attends, pour répondre à la question, sans culotte, pour mieux sentir ta bite, Gérard. Bon, alors, Nanou, c'est bon, sur Minitel, t'arrêtes. Tu laisses ton numéro, on te rappelle, parce que ça, tes questions comme ça, j'en ai ras-le-bol. Et si ça peut t'exciter, Gérard aussi, elle a un beau fouet noir pour un beau mâle en chaleur comme ça. Non, toi. Mais c'est bon, s'il y avait, à part Nanou, si on pouvait avoir d'autres réactions de Nana sur Minitel que Nanou, ça serait mieux. C'est vrai, hein. Parce que Nanou, toutes les semaines, c'est bon, j'en ai ras-le-bol. Je ne peux plus, Gérard. Non, mais c'est bon, vous avez vu que c'est quand même. Hein. Bon, alors, Cassandra, pourquoi? Cassandra, un homme en noir, tu l'aimes ou pas? Pas tout en noir, il faut que ça... C'est bon, là. Le bout du blanc au rouge. Non, mais tu veux pas mais la peau du... Non, mais c'est bon, ouais, vous voulez pas la peau du cul blanc et le trou du cul qui se décolle? Quel décolleur! Bah, c'est bon, les babouins, on les met dans les cages. Gérard, j'ai répondu à ta question, j'espère. Ah, non, pas pour un sang, Cassandra. Oui, bah, ça y est, j'ai répondu à ta question. Avec du gris, du marron ou du blanc? On va dire l'église. Je vais vous laissez faire mon débat ou. Là, ce soir, c'est la rentrée, ça se voit que c'est l'anniversaire. C'est la nouvelle année. Merci, Gérard. On est en quelle année? Non, mais c'est bien parce que, en principe, Max, quand je suis arrivé, il avait pas trop le moral. Et là, il a une super forme. Ah, non, mais j'ai le moral parce que je travaille pas, parce que je suis pas derrière le micro pour m'énerver. tu me laisses m'énerver. Non, mais c'est bon. Faut quand même expliquer aux auditeurs, si vous voyez, la gueule de Gérard, mais on est plié de rire. On est 4-5 dans le studio, on est plié de rire. Mais là, pour l'instant, il y a. Oh la gueule, tu vois, les enfants. Voilà, c'est pas vous dire. Non, mais c'est clair, c'est pas final à la ligne. Mais GG, mais t'as une gueule ce soir, mais t'es mortel. On va bien t'en ressembler à une. Mais regarde la gueule qu'il a. En tout cas, ce soir, c'est un gars à la pêche. Sans déconner, un village people, putain. En fait, Gérard. Ah, c'est bon, ça y est. Hey, Gérard. Après le débat, faut que t'ailles nettoyer le trou du cul de Nanou parce que t'as laissé plein de sperme dedans. Non, mais Nanou, elle va se faire foutre, elle. Bah justement, c'est ça le problème. Elle va se faire foutre. J'ai d'autres personnes à m'occuper d'elle. Qui? Oh, qui c'est qui c'est qui? Arrête, vous calmez, les petits cochons. Question suivante. Bon, Mortivia. Mortivia, ta réponse. Mortivia. Ça veut dire quoi pour lui pour un mot? Mortivia, oh, Mortivia. Ah, c'est bon, moi le doigt. La suite. Vas-y, attends, oui. Ah, la pico, elle est bonne, hein, GG. La suite. Morticia. Oui, t'arrêtes. Sors tes doigts. Ouais, non, bon, je m'en retrouve. Non, sucré. Non, c'est bon, on a une me chercher un café. Morticia, ouais. C'est Mojo qui dit que t'as fumé du hakik ce soir. Non, j'ai pas fumé du hakik, j'ai fumé des... La marée, au moins des gitanes. Des bouteilles de rouge, à mon avis, il a fumé ce soir. Non, j'ai fumé des Marlboro. Des Marlboro ? C'est rare. Oui, c'est bon. Du sucre, le café. Bon, c'est bon. Drôle, bon, allez, Morticia, je vais reprendre un peu mon sérieux. Pour une fois, un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Directement. Morticia. Morticia. Vincent, c'est moi qui... Bon, Hugolin. Ouais, moi. Kenya. Oui. M'en bats les couilles. Non, vas-y, donne la réponse. Bon, Kenya. Ouais, Kenya, ta réponse. Alors, ma réponse, ouais, c'est vrai qu'un homme en noir, c'est très sexy. C'est intéressant. Attends, qui c'est qui vient de dire ça, là? C'est Florent. Non, non, attendez. La nana qui vient de répondre à l'instant. Mais c'est moi, Kenya. Kenya. Alors, Kenya... C'est intéressant. Attends, Kenya... À propos de ton paquet de clopes, Gérard, il y a Nanou qui veut que tu l'enfonces dans le cul avec ta bouteille de rouge. Voilà, c'est bon, Nanou. Nanou, de toute manière, elle m'énerve. Tu la laisses son numéro de téléphone, on la rappelle. Et elle veut sentir ton parfum, non, mais c'est bon, ton parfum au WC qui pue. Mais c'est bon. Ah ouais, elle te la prend bien d'ailleurs. Ouais, elle commence à m'énerver. Arnette, c'est pas il est pas là. Disons qu'un homme tout court ne m'excite pas, quoi. Moi, bon, d'accord. C'est pas sûr, ça. Hein. Bon, Ouais, Kimberly. Dire une chose, que c'est un débat qu'on m'a donné. Gérard Le Pen, maintenant. C'est là, est-ce que tu veux... Ouais, du calme. Là, attendez. Pas de conneries comme non, ça. Non, stop. Continue le débat, Gérard. Non, là, je préviens d'une chose. Oui. Là, je préviens d'une chose, c'est pas parce que... Merci, Gérard. J'ai ce soir... C'est gentil, merci Gérard. Question suivante. Voilà, donc question suivante, maintenant c'est la séduction. Oui. Là, je m'attends à tout. Je m'attends à tout. Et Gérard, moi je t'emmerde. Tu as pas commencé. Attends. Là, non, Gérard, Luigi... Gérard, c'est cool, calme-toi. Non, c'est bon. Je voulais savoir pour 97 et tout. Non. Il s'informe. Pour 97 et tout. Bon, des questions sur la séduction, Gérard. Séduction. Je te répondrai pas à ta question, d'accord? Ok. Et toi? T'es servi? Ok. Ok. Donc, ça persiste, j'arrête. Et j'arrête. Non, j'arrête, je continue pas. Ok. Il n'y a pas de rapport avec la séduction, là. Il est 2h30 du matin, si tu veux que j'arrête tout de suite le débat, tu le dis. Non, s'il te plaît. Non, mais tu continues et là, Gérard, il n'aime pas ça. Okay. Merci, ok. Alors, je te préviens, je veux pas entendre ça. Ok. Tu vas pas nous gâcher notre soirée, Luigi. Donc je te préviens, on va revenir dans quelques... Non, mais il vous prévient, faites gaffe. Hein. D'accord. Donc, cherchez comment séduire un homme. Ça, c'est pour les nanas. Comment et pour les mecs, c'est devant. Et pour nous, les mecs. Pour vous, les mecs, c'est pareil. Comment séduire un homme. C'est pareil. C'est intéressant. Pour les mecs... Il essaie, Gérard, il n'y arrive pas, là. Je vais balancer les trois questions. Ok. C'est pour les nanas, comment séduire un homme. Pour les mecs, comment séduire une femme. Voilà. Ah, c'est et séduire, pour de bon... Est-il vrai ou faux? Donc vous réfléchissez, et chacun votre tour, je vous donnerai, vous me direz vos réponses. C'était un peu poète et un peu vagabond. Il n'avait jamais connu ni patrie ni patron. Voilà. C'est Gérard. Ouais, j'ai rien mangé. Hein. Tu vas nous faire un petit programme Wet Wet Shore. Compris. Non, allez, de toute manière, je prends un sponsor de ma santé. Bon, on s'en fout. Bon, allez, tout à fait. Avec le café. Bon, c'est bon. Il est dégonflé. Connerie comme ça, il rentre. Bah, je suis déjà chez moi. Ouais. Bon. Ok. Donc, on y va, là. Bah, oui. Donc, on va prendre... Oui. Qui c'est que tu veux prendre? Prends-moi, c'est moi, David. Vas-y. C'est plus de temps que je veux ça. Non, on va déjà poser la question... À une nénette. Ouais. Bah. On commence par les mecs. Non, parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Ils nous ont tout demandé hors antenne. Kimberly. Non, on va demander à... Kenya. Luigi. Non, à la petite caille au standard. Ah. On va commencer par elle. Est-ce que tu veux la chatte? T'arrêtes par exemple à ce que tu viens de dire. Non, mais ça fait... Gigi. Une question. Bon, ta réponse, une. La question, c'est quoi? Comment tu fais pour séduire un homme? Je fais rien. Elle est borgne, c'est pour ça qu'elle suce avec les yeux. Non, je suis pas non. En fait, que je veux dire quelque chose de correct, vous me laissez. Ah, la FLNC, tu nous fais chier. Hein. Non, non, mais. Ouais, c'est bon, si t'as envie de chier, tu te torches le cul. Sur les gestes, marre de faire mouiller les culottes. Ah, attention, toi. Attends, j'écris. Vas-y, on en revient. Est-ce que tu veux parler lentement pour qu'on prenne des notes, s'il te plaît? Non, non, mais de toute manière, j'ai. Bon, pour la rentrée, ça a été dur. Raconte. Tu n'as pas une salive? Ça vous regarde pas. Non, fais mouiller les culottes, Gérard. Fais-moi bander, là. Non, alors, je vais vous dire une chose que. Ouais. Je vous ai posé trois questions. Sur les trois questions, il n'y en a qu'une qui a pu me répondre correctement. Deux qu'on peut répondre allô directement. Comme par exemple, ça va être les deux répondent. C'est. C'est vrai, tu dis rien à un juge. C'est quand? Gérard, c'est quand? Et non, c'est bon. Gérard, t'es pas là pour faire juge, j'ai dit. Quand Lyon et les Yvelines. Voilà, terminé. C'est qui, Mortadelle et Club, oui? Gérard, on voudrait ta version et ensuite ta conclusion, s'il te plaît. Donc, ma version pour ces deux nanas. Manière, merci, Gérard. Le regard, c'est bon. Les gestes, c'est bon. Je vois pas trop. Merci. Les yeux. Ok, c'est clair. Je vois pas trop. Parce que j'ai jamais vu qu'on pouvait séduire quelqu'un avec les yeux. Le regard. À moi lui faire des. À moi, sur les sujets de la séduction, donc ça. Mettez la musique, vive la Sky Roulette. Alors là, je vois pas du tout le rapport avec, oui. Avec le débat de ce soir. Kimberly. Oui. Alors le nouveau qui le porte maintenant. Et là, vous allez retrouver Yannick pour la nuit sans pub. Demain matin, 6h, Lorenzo. Après. Et après, je ne sais pas, parce que Stéphane, David après. Bon, Stéphane, Dab, Libre Info, non, David, la Libre Info. Libre Info avec Florian Gazan. À 20h, vous allez retrouver Jessica, Doc et Arnold. Et à 20h... Jessica, Doc et Arnold. À 20h. À 22h, vous allez retrouver un babouin avec une babouine et un gorille au standard. Et tout de suite, Renaud. Et tout de suite, la nuit sans pub. Bisous à tout le monde. Donc, je remercie tous ceux qui m'ont laissé des courriers. Donc, je rappelle deux personnes tout de suite. Hein. Tu te crois aux Oscars là ou quoi? Oui, je me crois aux Oscars. Tout de suite, Renaud MC avec Maya Adidas.